Yassim vit aux alentours de Paris, dans cette immense fourmilière humaine. Parmi les tours, il y a 22 ans, il naquit. Sa famille est d'origine berbère. Ils ont quitté le désert, l'élevage, peuple du voyage. Yassim est un adolescent, très respectueux, de tempérament timide. Il aime travailler de ses mains, courageux, en pleine santé, riche d'esprit grâce aux deux cultures mélangées. Il grandit dans une bonne atmosphère, ses parents lui ont transmis des grandes valeurs, telles que la foi pour la vie nécessaire. Il vient de finir ses études de menuiserie, qui depuis 3 ans il a entrepris. Mais maintenant ça y est, il va devoir rechercher une entreprise, devenir ouvrier. Il espère quitter son quartier, s'installer à la campagne, loin du bruit de la ville, dans la nature et le calme. En attendant, le week-end il sort avec ses amis, mais il est sage de l'alcool. N'abuse pas avec les filles, ne fait pas n'importe quoi, il se réserve pour celle qui l'attend. Il compte sur la grâce de Dieu pour rencontrer un être charmant, dans ses rêves, désirant se marier, lui faire des enfants. Il l'imagine simple, fidèle et drôle, sans bien sûr savoir qu'il va bientôt rencontrer Sabine à Cerisay-sur-Saône, petite commune de province, là où il a postulé pour un emploi d'agenceur de cuisine. En quelques temps, de grands changements dans sa vie, tel est le souhait d'un bon nombre d'hommes. Bonne nouvelle, l'offre d'emploi à la campagne répond favorablement. C'est décidé, il dit au revoir à sa famille, le cœur serré. Mais je reviendrai vous voir, leur dit-il, dès que je le pourrai. Il charge sa petite Renault 5, part pour l'inconnu, emprunte l'itinéraire qu'il a soigneusement prévu. Arrive à Cerisay-sur-Saône en fin de journée. Yassim, maintenant cherche dans le village, demande à une vieille dame où se trouve la rue du Bocage. Il y parvient, s'arrête, son cœur bat fort, le doigt posé sur la sonnette. L'employeur d'une quarantaine d'années l'accueille fraternellement, a prévu une chambre pour le loger le temps de la période d'essai, l'aide à monter ses sacs et lui demande d'être le lendemain pour 8h à l'atelier. Un mois déjà se sont écoulés, et sa période d'essai est terminée. Il travaille avec des produits de qualité, et c'est pour ça qu'il apprécie. Le patron est content et lui fait signer un CDI. Au boulot, il se sent comme chez lui, les regards de crainte ont cessé. Il a su se faire estimer par ceux qui voulaient le rabaisser. Petit à petit, ses collègues sont devenus des amis, ils le soutiennent et veulent l'aider en lui renseignant un appart à louer. Ce soir, il a rendez-vous avec la propriétaire. Le logement est situé dans la rue du cimetière. Il pense à son grand-père qui est décédé l'année dernière, à sa maman et son père qui vont être si fiers. Après avoir sonné, une femme lui ouvre, et à l'intérieur ils sont tous à table. Et on entend des rires et des éclats de voix, c'est une famille qui vit dans la joie. La mère appelle sa fille Sabine et lui demande de faire la visite. Apparaît la jeune demoiselle qui le prie de venir, et tout en l'observant il part à sa suite. Ses cheveux ont la couleur de l'ébène, sa peau est teintée comme la crème. Ses yeux lui inspirent un mystère qu'il est tenté de résoudre. C'est clair que son regard lui a jeté des éclairs, car son cœur est frappé par la foudre. Ils entrent dans le studio au premier étage, une grande pièce d'environ 30 mètres carrés. Le lit est sur une mezzanine et un grand bar sépare la salle de la cuisine. Elle se dirige vers la fenêtre et pendant que le rideau se lève, les yeux de Yassim ne peuvent quitter le sourire de ses lèvres. Dehors on voit le clocher de l'église et on a vu sur le toit des maisons. Le paysage vert de la campagne s'étend à l'horizon. La propreté est impeccable et le loyer, toute charge comprise, est raisonnable. Il obtient pour le paiement de la caution un règlement en 3 mensualités. Demain, il viendra signer la location et pourra commencer à s'installer. Sur le chemin du retour, il ne peut s'empêcher de repenser à Sabine. Il revoit cette silhouette aux formes généreuses et à la taille fine. Il se remémore sa voix douce et remplie d'allégresse et les gestes qu'elle a fait avec délicatesse. Quelques temps après avoir emménagé, il la croise dans l'escalier. Elle lui demande s'il s'y plaît, enchanté. Il lui propose de venir voir quelque chose. Il se demande s'il faut qu'il ose lui dire qu'elle est belle comme une princesse, qu'elle est celle qui à ses yeux ne cesse de briller comme une étincelle. Ils s'asseyent l'un à côté de l'autre, le regard se met en osmose. Ils commencent à se rapprocher et puis font une pause. Ils ferment les yeux, s'enlacent puis s'embrassent d'un tendre et chaleureux baiser. Après cet instant d'amour réel, non charnel, fort d'émotion, c'est avec une immense joie dans le cœur qu'ils se quitteront. Leur relation avec les mois s'amplifiera, grandissant comme la rose jusqu'à ce que l'on aperçoive son beau rouge éclat. Maintenant ils souhaitent s'unir éternellement. Ils ont fait la demande pour le mariage. Il veut être son homme et elle voudrait être sa femme. Entre eux un souffle amoureux se dégage depuis qu'il lui a déclaré sa flamme. Ils ont déjà acheté une grande maison isolée dans le hameau d'à côté. Et après avoir fait quelques réparations, ils pourront y vivre paisiblement et voir grandir leurs enfants. Cette histoire que l'on vous raconte n'est pas une fiction irréalisable. Elle n'est pas comme les images de réussite dont les médias nous accablent. Aujourd'hui, Yassim et Sabine ont un fils nommé Paul et deux filles, Ilona et Marine. Ils vivent simplement et partagent de grandes joies familiales. Ils sont unis et vivent d'un amour qui n'a pas d'égal. Qui n'a pas d'égal. Qui n'a pas d'égal.